rap ou de la jouissance. Est-ce du rap ou de la jouissance? Est-ce du rap ou de la jouissance? Est-ce du rap ou de la jouissance? T'es venu seul, tu repars seul, on va pas t'année à 10. ADT la lasse des places, donc j'pense à calmer la tease. Après mon passage, c'est normal d'aimer la peur. Sors chez toi avec tes affaires, mais j'suis pas déménageur. À ce qu'il paraît t'es chaud, prends le mic et j'te nique, nickel. Tu fais sucer, mais tout ce que tu racontes, on nique, nickel. Je l'ai déjà dit, m'faut une meuf comme Dark Angel. Bonne route si tu crois encore qu'il y a un trésor au pied d'un arc-en-ciel. Si ton gars dans la thune, faut qu'on ait plus son squat. Et moi contre les blancs, beurre contre les bleus, on joue en puissance 4. Ma gueule sans cramponner, surtout quand la vie bouscule. Un coup de marteau sera toujours plus casse-tête qu'un Rubik's Cube. Tu veux tester, tu finis ridicule. ADT la lasse des arts, te pète la ridicule. Envie de bander, que ma femme te fasse des pédicures. Tu caresses pas mes poules avec des pieds qui puent. Ok, à la qui sert au vide chienne. Hey mec, pour les rois en son prix, c'est un coup de sombré. Serre, il est au coup depuis qu'il est sorti des coups de son père. Dans la tige, j'ai sombré, j'dois rien à son père. Après avoir fourré ta sœur, j'me bois une bonne bière. Il pleut des pavés sur mon crâne, mais j'ai pas d'ombrella. Des tasses pépérave, il me faut des meufs bonnes comme Bella. J'suis en décalage, c'est pour mes